Chapitre 5. Beau côté de l'histoire moderne. Il est juste maintenant de considérer le revers des choses et de montrer que l'histoire moderne pourrait encore devenir intéressante si elle était traitée par une main habile. L'établissement des Francs dans les Gaules, Charlemagne, les croisades, la chevalerie, une bataille de Bouvines, un combat de Lépante, un Conradin à Naples, un Henri IV en France, un Charles Ier en Angleterre, sont au moins des époques mémorables, des mœurs singulières, des événements fameux, des catastrophes tragiques. Mais la grande vue à saisir pour l'historien moderne, c'est le changement que le christianisme a opéré dans l'ordre social. En donnant de nouvelles bases à la morale, l'Évangile a modifié le caractère des nations et créé en Europe des hommes tout différents des anciens par les opinions, les gouvernements, les coutumes, les usages, les sciences et les arts. Et que de traits caractéristiques n'offrent point ces nations nouvelles ? Ici, ce sont les Germains, peuple où la corruption des grands n'a jamais influé sur les petits, où l'indifférence des premiers pour la patrie n'empêche point les seconds de l'aimer, peuple où l'esprit de révolte et de fidélité, d'esclavage et d'indépendance ne s'est jamais démenti depuis les jours de Tacite. Là, ce sont ces Bataves qui ont de l'esprit par bon sens, du génie par industrie, des vertus par froideur et des passions par raison. L'Italie, aux 100 princes et aux magnifiques souvenirs, contraste avec la Suisse, obscure et républicaine. L'Espagne, séparée des autres nations, présente encore à l'historien un caractère plus original. L'espèce de stagnation de mœurs dans laquelle elle repose lui sera peut-être utile un jour. Et lorsque les peuples européens seront usés par la corruption, elle seule pourra reparaître avec éclat sur la scène du monde, parce que le fond des mœurs subsiste chez elle. Mélange du sang allemand et du sang français, le peuple anglais décèle de toutes parts sa double origine. Son gouvernement, formé de royauté et d'aristocratie, sa religion moins pompeuse que la catholique et plus brillante que la luthérienne, son militaire à la fois lourd et actif, sa littérature et ses arts, chez lui enfin le langage, les traits mêmes et jusqu'aux formes du corps, tout participe des deux sources dont il découle. Il réunit à la simplicité, au calme, au bon sens, à la lenteur germanique, l'éclat, l'emportement et la vivacité de l'esprit français. Les Anglais ont l'esprit public et nous, l'honneur national. Nos belles qualités sont plutôt des dons de la faveur divine que les fruits d'une éducation politique. Comme les demi-dieux, nous tenons moins de la terre que du ciel. Fils aînés de l'Antiquité, les Français, romains par le génie, sont grecs par le caractère. Inquiets et volages dans le bonheur, constants et invincibles dans l'adversité, formés pour les arts, civilisés jusqu'à l'excès durant le calme de l'État, grossiers et sauvages dans les troubles politiques, flottant comme des vaisseaux sans lest au gré des passions, à présent dans les cieux, l'instant d'après dans les abîmes, enthousiastes et du bien et du mal, faisant le premier sans en exiger de reconnaissance et le second sans en sentir de remords, ne se souvenant ni de leurs crimes ni de leurs vertus, amants pusillanimes de la vie pendant la paix, prodigues de leurs jours dans les batailles, vains, railleurs, ambitieux, à la fois routiniers et novateurs, méprisant tout ce qui n'est pas eux. Individuellement, les plus aimables des hommes, encore les plus désagréables de tous. Charmants dans leur propre pays, insupportables chez l'étranger. Tour à tour plus doux, plus innocent que l'agneau, et plus impitoyable, plus féroce que le tigre. Tels furent les Athéniens d'autrefois, et tels sont les Français d'aujourd'hui. Ainsi, après avoir balancé les avantages et les désavantages de l'histoire ancienne et moderne, il est temps de rappeler au lecteur que si les historiens de l'Antiquité sont en général supérieurs aux nôtres, cette vérité souffre toutefois de grandes exceptions. Grâce au génie du christianisme, nous allons montrer qu'en l'histoire, l'esprit français a presque atteint la même perfection que dans les autres branches de la littérature. Chapitre 6. Voltaire, historien. Voltaire, a dit Montesquieu, n'écrira jamais une bonne histoire. Il est comme les moines qui n'écrivent pas pour le sujet qu'ils traitent, mais pour la gloire de leur ordre. Voltaire écrit pour son couvent. Ce jugement, appliqué au siècle de Louis XIV et à l'histoire de Charles XII, est trop rigoureux. Mais il est juste quant à l'essai sur les mœurs des nations. Deux noms surtout effrayaient ceux qui combattaient le christianisme, Pascal et Bossuet. Il fallait donc les attaquer et tâcher de détruire indirectement leur autorité. De là l'édition de Pascal avec des notes et l'essai qu'on prétendait opposer au discours sur l'histoire universelle. Mais jamais le parti anti-religieux, d'ailleurs trop habile, ne fit une telle faute et n'apprêta un plus grand triomphe au christianisme. Comment Voltaire, avec tant de goût et un esprit si juste, ne comprit-il pas le danger d'une lutte corps à corps avec Bossuet et Pascal ? Il lui est arrivé en histoire ce qui lui arrive toujours en poésie, c'est qu'en déclamant contre la religion, ses plus belles pages sont des pages chrétiennes. Témoin ce portrait de Saint Louis. Louis IX, dit-il, paraissait un prince destiné à réformer l'Europe, si elle avait pu l'être, à rendre la France triomphante et policée, et à être en tout le modèle des hommes. Sa piété, qui était celle d'un anachorète, ne lui ôta aucune vertu du roi. Une sage économie ne déroba rien à sa libéralité. Il sut accorder une politique profonde avec une justice exacte, et peut-être est-il le seul souverain qui mérite cette louange. Prudent et ferme dans le conseil, intrépide dans les combats, sans être emporté, compatissant, comme s'il n'avait jamais été que malheureux. Il n'est pas donné à l'homme de pousser plus loin la vertu. Attaqué de la peste devant Tunis, il se fit étendre sur la cendre et expira, à l'âge de 55 ans, avec la piété d'un religieux et le courage d'un grand homme. Dans ce portrait, d'ailleurs si élégamment écrit, Voltaire, en parlant d'anachorète, a-t-il cherché à rabaisser son héros ? On ne peut guère se le dissimuler, mais voyez quelle méprise ! C'est précisément le contraste des vertus religieuses et des vertus guerrières, de l'humanité chrétienne et de la grandeur royale, qui fait ici le dramatique et la beauté du tableau. Le christianisme rehausse nécessairement l'éclat des peintures historiques, en détachant pour ainsi dire les personnages de la toile, et faisant trancher les couleurs vives des passions sur un fond calme et doux. Renoncer à sa morale tendre et triste, ce serait renoncer au seul moyen nouveau d'éloquence que les anciens nous aient laissé. Nous ne doutons point que Voltaire, s'il avait été religieux, n'eût excellé en histoire. Il ne lui manque de la gravité, et malgré ses imperfections, c'est peut-être encore, après Bossuet, le premier historien de la France. Chapitre 7. Philippe de Comines et Rollin. Un chrétien a éminemment les qualités qu'un ancien demande de l'historien. Un bon sens pour les choses du monde et une agréable expression. Comme écrivain des « Vies », Philippe de Comines ressemble singulièrement à Plutarque. Sa simplicité est même plus franche que celle du biographe antique. Plutarque n'a souvent que le bon esprit d'être simple. Il court volontiers après la pensée. Ce n'est qu'un agréable imposteur en tour naïf. À la vérité, il est plus instruit que Comines. Et néanmoins, le vieux seigneur gaulois, avec l'Évangile et sa foi dans les ermites, a laissé, tout ignorant qu'il était, des mémoires pleins d'enseignements. Chez les anciens, il fallait être docte pour écrire. Parmi nous, un simple chrétien, livré pour seule étude à l'amour de Dieu, a souvent composé un admirable volume. C'est ce qui a fait dire à saint Paul, « Celui qui, dépourvu de la charité, s'imagine être éclairé, ne sait rien. » Rollin est le Fénelon de l'histoire, et comme lui, il a embelli l'Égypte et la Grèce. Les premiers volumes de l'histoire ancienne respirent le génie de l'Antiquité. La narration du vertueux recteur est pleine, simple et tranquille, et le christianisme, attendrissant sa plume, lui a donné quelque chose qui remue les entrailles. Ses écrits décèlent cet homme de bien dont le cœur est une fête continuelle, selon l'expression merveilleuse de l'Écriture. Nous ne connaissons point d'ouvrage qui repose plus doucement l'âme. Rollin a répandu sur les crimes des hommes le calme d'une conscience sans reproche et l'onctueuse charité d'un apôtre de Jésus-Christ. Ne verrons-nous jamais renaître ces temps où l'éducation de la jeunesse et l'espérance de la postérité étaient confiées à de pareilles mains?